le message, ici ça pète quand on fait ça. Sur du message, t'envoies des rimes dans ton fessard. On fait simple, nos paniques, venu pour péter ta nuque. Comprends que je vais tout niquer, que c'est la galère qui va t'éduquer. Papa a baissé les bras et maman se frottait la tête. C'est que j'ai cru mes va des crachants, mes vapeurs dans la tête. Sache qu'on a bu la tasse et que cette pétasse est mal passée. Les cendriers s'entassent et les poumons sont encrassés. Le père Noël s'est craché malgré que papa fait des efforts. Son seul défaut, sa tendance à parler trop fort. Sur l'étagère, y'a pas de trophée, quelques photos chiffonnées. J'avais le cœur plein d'amour que la rancœur a siphonné. Mauvaise nouvelle matinale, même Actimel peut pas m'aider. Théma, comment les fleurs se fanent, on a déjà passé de sales étés. Les volets fermés, CP décroît que je suis parti en vacances, hein. Je prends du recul quand le chétan prend de l'avance. Je vais pas te faire un schéma, si je te parle de ça, c'est moi. Pas prêt de digérer l'échec, moi, je suis encore en train de schéma. Si l'oseille fait le bonheur, sache la galère fait des rappeurs, hein. Faire des ratures, faut croire que c'est fédérateur. Maton fait tout à l'envers, crame la rose, garde les épines. N'a trop plané pour le bonheur, t'as raté l'avion comme Kevin. De la chance, vous croyez, son absence, vous voyez. On vendra la peau d'ours avant que ce bâtard soit né. Je me lève toujours du mauvais, y'a pas à croire que j'ai pas de jambe droite. Photo, je réchauffe ma pasta box, je crame pas la piste en boîte. Serre-moi un verre de pasta gaffa, ramène la baffe et c'est parfait. J'ai ni le bac ni le baffa, suffit d'une basse pour moi t'as fait. C'est pas la teuf, mec, on étouffe, mardante, c'est des palettes. 27 ans, les chicots rayés, des goupillants, des canettes. Miss, on n'est pas des Ganette, et pas pour autant beau parleur, hein. Paraît que t'es une fille bien, pourtant t'as les genoux d'un carleur. C'est pilon, enchanté comme d'hab, j'arrive en chantant. Comme on dit, j'ai la santé, mais j'fume du shit et ça s'entend. J'vais pas traîner 500 ans, compte bien assumer la sentence. Écoute, j'te l'ai pas dit, j'm'en branle de ce que l'état s'en pense. C'est pilon, enchanté comme d'hab, j'arrive en chantant. Comme on dit, j'ai la santé, mais j'fume du shit et ça s'entend. J'vais pas traîner 500 ans, compte bien assumer la sentence. Écoute, j'te l'ai déjà dit, j'm'en branle de ce que l'état s'en pense. La prod, je l'assassine sans faire de mal à l'assassin. Nous on s'en branle des places assises. Ou baiser des pétasses à 7, putain. Je vous baise à sec sans prendre le temps d'y mettre du beurre. Cette douleur à la poitrine, constamment de mauvaise humeur. Mec, c'est mort, je me force plus quand ça va pas. Pas trop d'humeur, j'ai pété le pif à Zavata. Pas à pas, je t'écoute pas. C'est Jacadi qui met des coups. Je veux mettre un doigt au paradis, mais c'est l'enfer qui lèche mes couilles, putain. Les religieux diront que je suis fou. Moi je veux que ça pète à ta tête, mec, c'est tout. On s'étonne même plus que ça pue la beuh sous l'anorak. Tous habités par la taille quand Belzébuth est un polac. Putain, je frise le polar dans ma rue, y'a des mecs chelous. La rue mène à Rome, les goûts amènent chez nous. Pas près de chez là, pas venu pour faire la déco. Fais pas le chroma, toi t'es la pute qui squatte à déco. C'est pilon, enchanté comme d'hab, j'arrive en chantant. Comme on dit, j'ai la santé, mais j'fume du shit et ça s'entend. J'vais pas traîner 500 ans, compte bien assumer la sentence. Écoute, j'te l'ai pas dit, j'm'en branle de ce que l'état s'en pense. C'est pilon, enchanté comme d'hab, j'arrive en chantant. Comme on dit, j'ai la santé, mais j'fume du shit et ça s'entend. J'vais pas traîner 500 ans, compte bien assumer la sentence. Écoute, j'te l'ai déjà dit, j'm'en branle de ce que l'état s'en pense.